Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour, chers auditeurs de La Marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4h. Mais qu'est-ce que Critique de Crowd, te diras-tu si c'est la première fois que tu écoutes l'émission? Ah, mais c'est sympathique. Déjà, en partant, je crois que tu as passé du bon temps avec moi. Et sinon, ben effectivement, je critique les foules. Je t'observe. Je t'aime. Je le dis tout le temps que je t'aime. Parce que c'est si agréable d'aller voir des spectacles, particulièrement de musique, en ta compagnie, en ta chaleur humaine, parfois même dans ta sueur. Oh, ben j'avoue que cette semaine, j'aurais été tranquille dans la crowd, même si elle ne l'était pas nécessairement. Et c'était... une très bonne soirée à la Vitrola samedi dernier avec Saccage, Deadbringer, Seeds of War, Max Power. Ben oui, c'était le lancement d'un LP de Saccage. Je vous reviens là-dessus. Sinon, mais écoute, en début d'émission, j'ai... grande mémoire que tu vois, j'en suis certaine. Ouais, je t'avais parlé de Pop Montréal il y a 2 semaines et je t'avais promis de revenir sur le sujet à tout ce qui reste de Pop. Effectivement, parce que j'ai une critique ou une non-critique de crowd qui a eu lieu au ministère. Et oui, ça avait suscité beaucoup de choses en moi puis j'avais envie de te le repartager, cher auditeur. Alors sur ce, ben oui, j'aime beaucoup faire des liens, parfois douteux, des fois très très lointains avec mes choix musicaux et le contenu. Et c'est vraiment le cas pour commencer l'émission parce que j'ai pas d'excuses. J'ai juste tout le temps envie de mettre les secrétaires volantes, là. Ça se termine là. Et encore plus l'album Méconium. Mais oui, parler du ministère, mais il y a pas tant de tunes, hein, avec le mot ministre, ministère. Ça aurait pu être politique, mais je me suis dit secrétaire, voilà une belle occasion. Et surtout à des heures plus ou moins tardives de ces spectacles. Ben oui, 11h moins quart, Parnic dans la ville. C'est aussi une bonne occasion de l'écouter sur les ondes de CISM. La soirée se déroule dans un endroit parfait. Tout le monde se déboule dans un endroit parfait. On boit, on vit, on débouche le plaisir. On allume des cigares à l'air depuis son lit. La force s'amuse beaucoup, et on s'inquiète pas. De l'heure qui avance, il va nous surprendre. Parce que sur le comptoir, il ne reste plus d'alcool. Panique chez les pétards, c'est déjà trop tard. 11h-5 panique dans la ville. 11h-5 panique dans la ville. Dehors les assemblées, oui, on se précipite. On pourrait le pisser, on se met à prier. Est-ce avec l'accent pour le dernier verre? On démarre, on se mit à danger cette petite bière. Vous aviez oublié de faire vos provisions. Tabarnak! Tant pis pour vous, moi je garde ma boisson. Dans la ville des cigarettes, le houblon c'est le l'or. On en connaît qui frappe pour un plat de bras d'eau. On se recèle. Yeah. succès-souvenir. Oui, oui, succès. Succès-souvenir des secrétaires volantes. 11h-5, panique dans la ville sur les ondes de la marge. Critique de crowd! Tout en souvenir, déjà. 2 semaines, c'est assez loin pour avoir des souvenirs. Aïe, aïe, aïe. Ben... Honnêtement, pour moi, c'était déjà peut-être un peu loin dans ma tête. Déjà 2 semaines de Pop Montréal en ces 5 jours de festivités du 13 au 17 septembre avec 600 artistes, 40 salles. Ça en fait de la crowd. Ça en fait de la variété. Pour ceux qui ont manqué l'émission, évidemment, je te suggère d'écouter la balado-diffusion. Mais autrement, sache-le, ben oui, j'ai autant fréquenté la crowd de reggae avec Mighty Diamonds que des rappeurs au balatou. Oui, oui, c'est possible. Et sinon, oui, des rockeurs taquins aussi au Club Lambi, puis King Woman à Vitrola, puis j'en passe. Et j'en passe tellement parce que c'est impossible de voir tous les shows à faire, évidemment, juste une question qu'on se dédouble pas, mais aussi parce qu'il y en a énormément et ça pourrait devenir épuisant. Et à ce nombre gigantesque de spectacles, je crois que j'ai entendu au moins une fois. On dirait que c'est comme une question qui va revenir à chaque année de ce genre d'événement où il y a énormément de spectacles donnés. Est-ce que ces spectacles aussi nombreux et en même temps sont dépend de la qualité de crowd et de la qualité même du spectacle, puisque on peut pas être partout, je viens de le dire, puis c'est vrai. Quand on aime la musique, des fois ça peut devenir un peu compliqué. Et l'avant-dernier soir de Pop Montréal, j'avais décidé de passer ma soirée au ministère. Et vous pourrez bien me dire le ministère, point d'interrogation. Effectivement, parce que déjà, c'est zéro trouvable sur Internet, là, parce que quand tu googles le ministère, tu tombes sur les sites du ministère. Ou si tu marques ministère bar, ça donne un bar à Toulouse. Fait que, je me suis pas déplacée à ce point-là. Là. Puis Pop, c'est Pop Montréal, c'est pas Pop International. Alors... pour ceux qui sont peut-être plus à l'affût de l'information, ben oui, c'est les mêmes locaux que l'ancienne commission des liqueurs. Puis, les ministères, c'est aussi un lieu qui utilise beaucoup l'univers virtuel. Tu sais, on a des bureaux en haut, puis tu peux faire de l'immersion 3D, puis plein de patentes de même. Mais c'est aussi rénové, parce que pour tous ceux qui auront visité la commission des liqueurs jadis, moi, je me rappelle, à coup de cœur francophone, j'avais vu Violette Pie, qui est de Kuna. Mais avant, la scène était assez grande. Dès que tu rentrais les portes, c'était une grande salle large. Maintenant, ça a été sous-divisé. Fait que c'est vraiment une plus petite salle. C'est plus intime dans un look industriel. Là. Des bons gros poteaux de béton, là, hein? Okay? Du métal épuré, la simplicité et la dureté à la fois. C'est pas mal le cas au ministère. Et c'était une soirée variée. C'était Dave Chose. Il y avait un groupe qui n'a toujours pas de chanson, si je me trompe pas, sur Internet. En tout cas, la dernière fois, j'ai checké. C'était Flow the Well avec Les Louanges et Les Passagers. Une petite soirée qui commence bien tranquillement. Je dis petite. Une petite salle, petite soirée, tranquillos. Nous allons écouter les chansons de ces nombreux auteurs, compositeurs, interprètes. Et ça a quand même commencé relativement à l'heure. C'est une foule, je vais le répéter. Tranquille, c'est une petite soirée tranquille, c'est doux, c'est délicat. On boit son petit breuvage dans la salle, bien au noir, tandis qu'il y a un beau spot sur notre Dave. Dave Chose qu'on connaît pour être maintenant dans Pony et qui est aussi, faudrait faire la vaisselle. Et là, vraiment juste avec sa guitare pour son projet solo, nous jase vraiment de façon nonchalante. On sait pas trop, tu sais, il se prend pas au sérieux, rit de lui, rit avec nous. c'est assez décontracté comme atmosphère, juste assez crowded, pour le sentir, mais surtout une interaction pratiquement mystérieuse. Ce fameux Eric qui répond aussi facilement. Il se la permet. Il répond aux musiciens comme ça. Il jase. Même l'inverse, Dave demandait des commentaires à Eric. Mais qui es-tu, Eric? Oh, c'est à suivre. C'est à suivre, évidemment, pour Eric. Et sinon, on va l'écouter. Il faudrait faire la vaisselle. Pourquoi on danse? Parce que oui, il y aura de la danse. C'est à suivre sur les ondes de la marge. Oh, quitte la place. Je vais oublier que je suis payé en petite pièce. Rends-moi si tu penses ici. Remets tes souliers, on s'en va danser toute la nuit. C'est pas facile d'oublier. Hey, prends-moi si tu prends le large. Je veux pas être tout seul à danser sur le rivage. Oh, une flotte c'est faite pour porter. Mais la bain comme faux, faut qu'on retourne en flamme et pierre. Hey, pourquoi on danse? Pourquoi on danse? Pourquoi on danse? Faudrait faire la vaisselle sur les ondes de CISM avec la chanson « Pourquoi on danse? » Pourquoi on danse? Bonne question. Parce que ça va vraiment se passer au ministère avec le groupe Florida Well, le groupe montréalais, seul groupe anglo aussi de la soirée qui aura attiré la plus grande foule, pas nécessairement la plus proche. J'ai l'impression que la proximité entre la crowd et les musiciens sera plus avec les passagers. C'est à suivre. Mais oui, on voit quand même juste le fait qu'il y ait une plus grande présence, une certaine attraction autour du groupe parmi cette cinquantaine de gens et une grosse clique de filles. Non mais dit de même. Non, mais elle était tellement grosse qu'elle pouvait se séparer en deux. Il y avait comme la... Ben, il y avait toute la crowd là, de filles qui s'amusent, qui boivent des shots, puis ils ont du fun. Et t'as comme une partie qui décide de prendre des selfies, mais pas devant le groupe. Il était de dos au groupe. Et j'ai trouvé ça particulier comme comportement, dans le sens où, d'habitude, quand on prend une photo en spectacle, c'est pour montrer qu'on est dans les lieux. Et souvent, parce qu'on aime le groupe, on aime ça être comme avec le groupe, comme le bon vieux selfie. Ben, c'est pas si vieux ça dans l'histoire de la photographie, vous me direz, là, mais quand même. Mais bref, de prendre une photo avec le musicien après le spectacle, vraiment comme en portrait, ou encore une fois, quand c'est pas possible, juste durant la performance. Mais non, pas tout! Ils ont pris la photo de l'autre côté complètement. Ça sentait la sortie de fille davantage que la sortie pour voir le groupe. C'est un feeling que j'ai comme ça. Mais, on ne pourra jamais bien savoir, elles sont parties trop vite dans la soirée. Mais juste assez longtemps, parce que l'autre moitié était bien occupée à danser. Ah, c'était beau. C'est sûr que là, il y avait plus de monde. Et c'est durant le show des passagers en formule trio, pour cette fois-ci, version réduite, que vraiment, il y a quelque chose qui a changé dans leur comportement. Il y avait moins de monde dans la foule. Oui, ça a l'incidence que t'as plus d'espace, tu as plus de liberté, oui, dans tes mouvements. Mais oui, il y a eu un emballement. Au début, ils formaient comme des lignes, puis ça s'est transformé en triangle. Encore une fois, être entre amis, souvent, un cercle de danse, pourquoi pas un triangle, quand on est trois, ça... ouais, ça, c'est quand même plus facile à faire. Mais il y avait... Oui, cette liberté de mouvement qui était si belle à voir, parce que tu voyais qu'il dansait que pour elle. Il dansait avec une façon d'onduler qui était envoûtante. Pas sexy, là, mon petit coquin. Envoûtante. C'était pas des sorcières, c'était pas des sirènes. C'était juste charmant de les voir aller sur la musique. En cohésion aussi avec la musique. Pas juste, on est à sa fête puis on s'amuse. Non, il y avait quand même une bonne suite logique entre les compositions et leur danse qui était pas, tu sais, plus rapide, plus lente. Et j'adorais ça. C'était si beau à voir. Un peu inattendu. Encore une fois, ils sont partis durant le set. Ils sont partis vers... oui, je prends des notes de même assez précises. Ils sont partis vers minuit et quart. oui, j'ai vraiment pris en note. Et en même temps, je me dis, c'est... Quelle est l'importance de l'intérêt qu'on a à la base en arrivant dans la salle du groupe? Et même durant, parce que finalement, ils voulaient passer visiblement un très bon samedi soir. Elles se sont amusées. Ça a été emballant aussi pour le groupe. Donner de l'énergie, ça en donne aussi. C'est d'égal à égal. Fait que, à quel point c'est obligé, optimal, nécessaire de connaître le groupe, que ce soit la première chose importante en tant que crowd. Parce que pour moi, ces filles-là ont fait toute la différence dans la soirée. Et à moins qu'elles voulaient pas manquer le métro, et ce serait la seule raison qu'ils préfèrent peut-être que, oh, ils sont partis avant la fin et que ça leur déchirait le cœur, qu'ils soient partis avant la fin du set des passagers. Je sais pas. Pour moi, c'est peut-être comme leur danse envoûtante. C'est mystérieux. Mystérieux comme Eric qui avait disparu. Oh! Attention, fin de mes aventures. C'est à suivre avec les louanges. Mais on va aller en écouter justement les passagers avec ma chanson préférée, Achète ta peau. nos désirs dépassent ces premiers instants charnels. Quand nos pores expiraient encore un parfum de miel. Je n'ai jamais eu besoin d'acheter ta peau pour pouvoir un jour me la mettre sur le dos. Nos désirs dépassent ces premiers instants charnels. Quand nos pores expiraient encore un parfum de miel. Ah, si douce cette chanson, Acheter ta peau des passagers. Et pour terminer cette soirée de Pompe Montréal au mystère, c'était Les Louanges. Oh non, qui porte à confusion, hein? Les Louanges. Il est bien tout seul dans son projet, Vincent Roberge. Oui, oui, il est parfois accompagné d'autres musiciens. Je dis parfois parce que cette fois-ci, c'était extrêmement solo. C'est drôle, hein? C'est peut-être parce qu'il y avait une guitare électrique, mais j'avais l'impression que c'était encore plus solo. C'est drôle, hein, comme instrument. C'est rare qu'il est tout seul. Souvent, il est accompagné. Il vient avec ses amis, la basse électrique et le drum. Mais non, non, complètement seul sur scène. Et c'était plus qu'un spectacle solo. C'était aussi solo dans la foule. Il y avait personne, OK? Je peux pas le dire de d'autres mots, là. Il y avait personne. Il y avait le technicien dans la salle. Il y avait moi, une comparse. Il y avait Eric de retour et c'est tout. Il y avait personne sauf au début du set. Il y avait SiriusXM. Étant donné, je crois que ça faisait partie des prix qu'il a reçus durant les Francouverts. Tu vois, j'hésite, mais je sens que c'était une collaboration. Peu importe. Bref. SiriusXM, il venait filmer ça, toi. Et on s'entend que la magie de la caméra fait en sorte que, oh! On ne saura jamais s'il y avait des gens dans la salle. Mais c'est très bien filmé. C'est sûr qu'ils vont bien voir la scène. Bel éclairage. Un beau louange. Mais bon... Oh mon Dieu, tu vois, je le dis, puis je ressens encore un peu un malaise. Je trouve ça malaisant, tu sais, cette belle magie cinématographique. Tu fais comme, ouais, mais jusqu'à quelle limite, là? Il y avait personne, ça faisait mal tellement il y avait personne. Personne. Fait qu'en même temps, il est 00h30 samedi. Il est beau, il est jeune, il est plein de talent. Le vent dans les voiles, deuxième place au Francouvert, justement. Mais écoute, il y a trop de spectacles. J'ai dit le mot trop, mais il y en a énormément. Il y a énormément de spectacles à Pop. Fait que ça se peut que pas tout le monde en tire le plus grand profit. Ouais. Fait que c'est sûr que là, pas de danse, pas rien. Et Vincent a réagi d'une façon exemplaire. Il a fait, évidemment, il a fait la vidéo comme ça devait déjà être organisé. Il a fait quelques chansons. Et déjà le début, il nous a dit, je sais qu'on va faire ce cours. Et même, il leur dit à Eric, je pense qu'on va faire ce cours. Je pense qu'on va arrêter cela. Puis Eric qui répond, ouais, tu fais bien. Et c'est à ce moment-là que c'est même pas moi qui vais aller vers Eric, c'est lui qui vient vers moi, c'est de même la vie. Et il nous jase comme ça, sans qu'on le sache non plus là. Il dit ouais, on hésitait, tu sais, à booker Dave Chose puis les Louanges à Pop Montréal parce qu'il commence, puis c'est ça, c'est une grosse proc, des fois ça peut être difficile, mais ça reste quand même une expérience. Coup de théâtre! Eric, c'était leur gérant. Le gérant, il était bien présent pour leur show. Je trouve ça, je trouve ça cute. Je trouve ça gentil d'aller voir encore tous les spectacles comme ça. C'est attentionné. Et c'est aussi, ben oui, c'est bien de savoir qu'est-ce qui arrive avec nos jeunes poulains. Mais ouais. Encore une fois, puis c'est là-dessus que je trouve qu'il y avait une grande morale, puis que je voulais absolument vous le partager, chers auditeurs de la marge, parce que je sais aussi, il y en a plein parmi vous qui sont musiciens, mais je trouve tellement que les louanges est un exemple de écoute et gestion de crowd. Il a bien vu qu'il y avait personne. Faire plus de temps. Il aurait pu pratiquer ses chansons. Peut-être qu'il aurait pu s'éclater puis faire vraiment de quoi vraiment décaler à côté du crowd juste parce qu'il y a personne puis tu peux comme permettre d'explorer certaines limites que tu ferais pas dans un spectacle traditionnel. Mais il a aussi vu que, ben, il est tard. Hey! Ça va être correct que je fasse juste 4 tunes ou 4-5, puis ça va faire quand même une bonne soirée. On n'a jamais senti de déception, malaise, tristesse, des petites larmes. Non, rien de tout ça. Je trouve ça très beau de sa part parce que j'ai vu, me semble, oui, tu sais, on va mettre le poids sur les années de critique de crowd, là. Non! Non, mais pour de vrai, avec avoir beaucoup de spectacles et d'une variété de spectacles, là, toujours musical confondu, tout genre de salle. Tu sais, il y en a, c'est une grosse salle, il y a 20 personnes, puis ça paraît complètement vide, tandis que dans le vieil Esco, on a l'impression que c'était plein à paqueter. Tu sais, il y a tellement de facteurs qui font en sorte qu'un show pogne ou pogne pas, qu'il y ait de l'ambiance, pas d'ambiance, mais que quand il y a personne, ou très peu de personnes, des fois il y a le jeu de l'orgueil qui rentre en compte, puis c'est très dommage. J'en ai entendu, tu sais, dans le passé, des commentaires comme « Ouais, on va faire une nouvelle toune, mais je sais que vous en sacrez parce que vous nous connaissez pas, puis qu'est-ce que vous faites ici? » Je suis comme « Mais voyons, moi, je suis ici. » Ah! Je pleure. Je suis comme « Mais moi, je suis une crowd. Moi, je fais partie des spectateurs. Je viens te voir. Je t'aime. J'ai envie de te découvrir. Présente-toi pas de même. » Lâchez votre ego. C'est la meilleure solution pour un meilleur spectacle. Un meilleur souvenir aussi de la performance. C'est vraiment ça. Je pense que c'est surtout une question d'orgueil. Faites en conséquence de ce qu'il y a dans votre face. Puis il peut arriver de la magie ou des compromis. Puis des fois, les compromis, ils font ben la job. Alors, sur ce, ben oui, on dirait que ça m'a charmé davantage des louanges. Et ce sera à suivre parce que, écoute, c'est vrai qu'il fait juste commencer. Fait que à suivre. Et ce qui est à suivre, mais c'est critique de crowd après les publicités. Puis oh mon Dieu, ça va bûcher par là parce que c'est oh oui, ça va bardasser avec saccage. À tout de suite. BNB présente Flavor Namabia et son orchestre live en concert le 6 octobre 2017 au Théâtre Berry, 1280 rue Saint-Denis avec les DJ Khalid, Motorius et Trick Trip. Les billets sont $50 réguliers et $70 VIP plus à la porte. Vous pouvez acheter les billets sur théâtreberry.com. Les portes ouvrent à 19h. Suivre BB Entertain sur Instagram et Facebook pour plus d'infos. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. Le Vivier au Jésus présente Chant et danse, West Strings, avec Robert-Marcel Lepage, René Lucier, le quatuor Bodini et Tour de bras le 7 octobre à 20h. Info à levivier.ca. C'est la rentrée au Théâtre aux Écuries. Abonnez-vous à 3 spectacles ou plus et bénéficiez d'un tarif préférentiel de $15 le billet. Achat au www.auxécuries.com ou au 514-328-7437. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Le Festival du Nouveau Cinéma de Montréal vous invite du 4 au 15 octobre 2017 à un rendez-vous qui, plus que jamais, donnera toute la place à l'innovation. Découvrez plus de 350 films, des installations en réalité virtuelle et des expériences interactives québécoises, canadiennes et internationales. Prenez part à des 5 à 7, des conférences et des rencontres et rejoignez-nous tous les soirs à notre quartier général lors de nos événements gratuits. www.nouveaucinema.com Cette semaine, dans votre quartier libre, découvrez le fonctionnement des fraternités et sororités de l'UdeM. Informez-vous sur le débat concernant la fin de l'écriture manuscrite dans les universités et explorez en images la collection d'art public du CHUM. Visitez notre site internet quartierlibre.ca et suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Quartier libre, au cœur des préoccupations étudiantes. Est de retour avec Full Face. Placard comme vous ne l'avez jamais entendu. Face, disponible partout dès maintenant. Le retour de Félix. Spectacle le 13 octobre au MTLUS. Avec invités spéciaux, Lomo. Les billets sont en vente maintenant à la billetterie du MTLUS sur evenco.ca. Deux groupes exceptionnels. Ne manquez pas Phoenix et Lomo le 13 octobre. Présenté par Greenland et Evenco. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Teddy Swagger sur les ondes de la marge avec leur chanson « Mon verre est vide ». Oui, je vous la passe parce que justement, ils seront en spectacle avec les Chiens de Ruelle au Petit Campus. Puis ça, ça se passe samedi. Ben oui, vous écoutez toujours Critique de Crowd avec Jolène Ruet. Et oui, des suggestions, parce que vous êtes beau crowd, fait autant être dans la crowd. Et ce soir, peut-être seras-tu au Ritz PDB pour voir Alex Cameron avec Jack Ladder. Et sinon, à la Salle Rossa, il y a Jérusalem in my heart, quand même. Je crois que pour tous les jours de la semaine, j'ai à peu près deux suggestions au moins, parce qu'il s'en passe des affaires à Montréal. Vendredi, Dare Criminals au Club Soda. Samedi, hey... Il est marqué depuis longtemps dans mon agenda. Je ne l'oublie pas. Je vais être à Future Island. Ben oui, ça se passe à l'ancien Métropolis. Et sinon, il y a Against Me au théâtre Corona. Sinon, c'est en vie, j'espère. OK, pour une fois, j'espère que le show va finir tard parce que Broken Chords, ils ont l'habitude de commencer leur show à l'heure. Mais j'aimerais bien aller voir Mother Eyes avec Butterfly, Die Hex, Half Truth. Il va avoir du bon gueulage ici par là à la Casa del Popolo samedi. Sinon, ben écoute, oh mon Dieu, samedi aussi, il y a Blood and Glass au Patrovice. Dimanche, Émilie Proulx en 5 à 7 déplogue au Quai des Brumes. Mais ça, ça fait longtemps qu'on... Je sais pas, a sorti quoi de nouveau? Je commence à être excitée. Sinon, dimanche, ben c'est comme un avant-spectacle, mais pas du tout dans le même genre musical, mais hey, il y a Mertz avec Solids. Ça donne le goût de faire des jeux de mots, hein, ça va être une soirée solide, mais effectivement, les deux ensemble, je trouve ça assez merveilleux. Ça se passe à la Sala Rossa. Lundi, mon poil, ça se peut bien que tu sois à Mastodon. Et en première partie, il y a Russian Circles. Encore une fois, ça se passe à l'ancien Métropolis. Là! Je sais que, ça va faire une différence dans ton agenda de crowd. Mais je tiens à te le dire, chers auditeurs de la marge, Enrique Iglesias puis Pitbull, c'est reporté au Centre Bell un autre jour. Je sais, ça vient de changer ta vie, cette information-là. Je sais, ça me fait plaisir de la partager. Mardi, c'est Andrew Skills. Et c'est un chorégraphe montréalais ça marche, son affaire, ça marche à l'international. Et il vient nous présenter à la 5e salle, Rose of Jericho. Et là, il mardi, encore une fois, c'est juste parce que j'adore nommer ce band-là, c'est beaucoup pour leur nom. Cigarette After Sex, ça va jouer par là, au Théâtre Fairmont. Et finalement, mercredi, Weaves, au Ritz PDB, et sinon, ce sera la premier match, oui, de la Ligue d'improvisation musicale de Montréal au Café Campus. On continue tout de suite en chanson avec WD40, que je n'avais toujours pas passé. Mais oui, du nouveau steak de W, c'est le fun! Fait qu'on écoute La Mer des Tourments, et ce sera suivi de Dur Cœur. Assez! C'est assez! Jonche mes jours comme des cochonneries qui flottent et crient au secours. La dérive des continents en a fait pour longtemps. Ils échoueront tôt ou tard dans la mer des tourments. Mais aime-moi, aime-nous, aime-moi encore que le monde est à nous. Aime-moi, aime-nous, aime-moi encore que le monde est à nous. Son chemin court comme des piliers de bar aux portes du jour. La dérive des innocents n'en a plus pour longtemps. Ils se feront dévorer dans la mer des tourments. Mais à tes pieds, à genoux, je veux croire encore que le monde est à nous. À tes pieds, à genoux, je veux croire encore que le monde est à nous. À tes pieds, dans la mer de tout le monde. Cœur sur les ondes de la marge. Ah, j'aime beaucoup te les passer parce qu'ils sont rendus en 13e position du palmarès francophone de CISM. Et surtout parce que très bientôt, il y aura une critique de crowd de ce groupe puisqu'ils étaient au Warning from Montreal. Puis mon Dieu, je t'en ai toujours pas parlé. Sinon, écoute, ben oui, les belles chansons du palmarès franco se retrouvent sur le site de CISM, cism893.ca, ainsi que des onglets de la magie, puis aussi critique de crowd, là, trouve-moi, ça va être bien le fun. Et sinon, pour toute suggestion et amour, le Facebook de Critique de Crowd est aussi pratique pour cela. Ben oui, je le dis deux fois, trois fois, t'écoutes Critique de Crowd en ce moment. Et je suis allée samedi dernier au spectacle lancement de Saccage, mais il y avait aussi, j'avoue que je crois que c'est le groupe que j'attendais le plus, Dead Bringer, que j'avais toujours pas vu en spectacle et je vous passe quand même souvent. Sinon, il y avait Sides of War, un groupe de Sherbrooke, et Max Power, que je m'étais fait dire... Jolene, soit à l'avance juste pour voir Max Power. Premièrement parce que c'est bon, parce que il fait du power violence, grindcore, du punk, et ça veut dire qu'avec le genre musical, ça va pas durer longtemps comme ça. Fait que si t'arrives en retard, tu vas tout manquer. Et effectivement, j'ai bien fait d'arriver à l'avance. Mais chaque chose en son temps. J'arrive à la Vitrola, évidemment, là où avait lieu le spectacle, et quelle ne fut pas ma merveilleuse surprise d'y voir un rideau. Les amis disent, c'est assez simple. Ça, ça te prend pas grand-chose, te rend heureux, Jolene. Ouais, effectivement, des gens partant. Mais aussi parce que ça fait très longtemps que j'attendais peut-être ce moment. Je suis allée voir King Woman dernièrement à Vitrola, puis c'était il y a deux semaines, il n'y avait pas de rideau. Les gens pouvaient s'asseoir sur le deuxième stage. Il y en a deux. Des fois, on se dit à quoi il sert l'autre. Quand il sert à rien, quand tu veux pas que ta crowd s'écrase dans le fond de la salle, assise avec des tables, qu'elle donne pas sa chaleur humaine devant le groupe, puis ça sert... Un rideau. Ça sépare une salle. C'est-tu pas merveilleux? Je suis comme vraiment emballée du rideau. C'est vraiment simple. Je le sais. Mais j'avais jamais vu de show auparavant. Qu'il y en avait un. Est-ce une inauguration? Je pourrais pas confirmer. Mais ça permet au groupe d'avoir un backstage, de mettre leurs instruments, d'avoir des coulisses, chose qu'il y a pas vraiment autrement. Je m'avance. Mais reste que oui, ça donne quand même plus d'espace. Et pour le groupe, et de l'espace qui sert pas vraiment à la crowd. Sauf... Parce que c'est la seule fois que j'ai vu la Vitrola aussi bien utilisée. Et j'avais envie de t'en reparler, crowd. C'est parce que c'est un spectacle qui date de... Ça date d'il y a deux ans, j'en avais toujours pas parlé, c'était épouvantable. Fait que c'était un spectacle souper spaghetti punk. Et c'était un auditeur qui m'avait appelé le jour même. Il a dit, Jolene, viens voir ce show-là, c'est à soir, viens-t'en. Puis quand vous me faites des suggestions, c'est pas pour rien que je vous le dise de le faire. Là. C'est parce que, ouais, je vous écoute. Et j'étais allée vraiment... sur un coup de tête. Et je suis bien heureuse parce que c'était le tout premier show à vie de Banal que j'aime beaucoup. Puis je l'ai réalisé tantôt en lisant mes notes qui datent d'il y a genre 2 ans. Puis je me disais, ben voyons donc, voir que j'étais au premier show à vie de Banal, c'est bien le fun. Et c'était une bonne soirée. Bon, oui, il y avait du spaghetti, comme dit le nom du spectacle. C'était comme dans une espèce de réchaud... Il était-tu réchauffé? J'avais des doutes, il y a comme des assiettes déjà faites, on m'a dit serre-toi, puis j'étais comme ah ben il est 10h30, hein, j'ai comme pas faim. Tu sais, c'est comme trop de bonheur pour ton lunch de 3h du matin, là, d'après fête, et trop tard pour ton souper normal. Quoique, ça dépend de ton mode de vie. Fait que reste que moi, j'ai fait à moitié la thématique du souper spaghetti punk. J'ai surtout punké, et bien, bien calmement. La foule ne l'était pas très... c'était une soirée qui s'appelait punk, mais c'était hardcore. Alors, vraiment, des gens qui se tiennent un peu à 90 degrés penchés, là, puis qui poussent avec, une bonne hargne, mais une hargne généreuse parce que ça prouve surtout la participation. Et ce qu'il y avait de bien particulier de cette soirée-là, ben il y avait comme au moins 6 groupes. Moi, j'ai vu les 3 derniers, puis ça durait 1 heure. C'était assez efficace, merci, comme changement, parce qu'il avait servi des deux stages. Fait que pour moi, c'est comme la façon la plus optimale de servir de la vitrola, puis la plus sympathique. Bon, peut-être pas pour les fumeurs, parce que ça faisait pas des très très longs breaks. Mais après ça, c'était un show hardcore, peut-être qu'il y avait beaucoup de straight edge, puis ça les dérangeait pas de pas fumer, parce qu'ils fument pas. Fait que, ouais. Mais pour moi, ça avait été une soirée que j'avais trouvée merveilleuse pour la composition dans la salle. Je me disais, à quand la prochaine fois? Puis bang, ça se passe samedi dernier grâce à Max Power puis toutes les compagnies qu'il y avait dans sa cage. Et oui, je suis vraiment, je suis juste pour ça. Je trouve que la foule était plus proche. C'est clair que ça fait une différence sur notre appréciation du spectacle. Puis parle, jase de ce spectacle-là qui date d'il y a 2 ans. C'est toujours bien l'occasion d'aller en écouter du Banal sur les ondes de la marge. Vous allez entendre Candide. Banal dans ta face sur les ondes de CISM. Et ça va continuer à bien varger avec Critique de Crowd parce que Max Power, ben oui, ça déménage pas à peu près. Il commence son spectacle par terre. Il va passer pas mal le 3/4 du show par terre. J'allais dire avec la crowd, pis ce serait plus ou moins vrai parce que la foule était assez distante. Je crois même que quand il a commencé le spectacle, il a déplacé personne. Il y avait comme 4 mètres de libre juste pour lui. Fait qu'il en a bien profité pour gueuler, donner des coups de pied en l'air, sans avoir comme un excès d'énergie dans son énervement, comme je donne des coups de pied, mais j'en suis pas ma vie. Quoique, il donnait assez d'énergie pour que ses shorts y descendent. Il y avait une petite craque de plombier. Fait que oui, il se donne. J'ai envie de dire Max, parce qu'avec un band qui s'appelle Max Power, t'as envie de penser que le chanteur s'appelle Max, mais peut-être que c'est tous les membres qui s'appellent Max. C'est à suivre. On va investiguer sur le sujet, parce que non, les internets étaient peu bavards à ce sujet. Hey, je t'ai dit que c'était un set court. Je t'ai dit que, ben oui, étant donné leur album, tu sais, il y a 10 millions de chansons, mais ils durent toutes 20 secondes, tu sais. Fait que, j'aurais jamais pensé à ça, ou peut-être ça m'a pas marqué autant dans d'autres shows grindcore, à quel point on applaudissait. On est tout le temps rendu en train d'applaudir. Tu sais, il finit une toune, on applaudit, il finit une autre toune. Ah, mais c'est comment, on peut applaudir quatre fois dans la minute, là, ça prend part. Je trouve ça assez... Ouais, c'est sympathique, ça oblige aussi de confirmer qu'on a apprécié la chanson. Ça nous demande quand même beaucoup à la crowd d'applaudir. Ben, applaudir, on s'entend, là, c'est pas un si gros effort, mais quand même une attention, puis à chaque fois, il y avait des applaudissements, il n'y avait pas de désintérêt face au spectacle, et c'était aussi d'une façon très particulière qui présentait ses chansons, Max, qui il est assez mollo. Tu sais, il est sur scène, il va boire, ben il peut aussi caler sa bière, mais il peut aussi juste à boire sa bière, il peut il check son papier, comme si rien n'était, tu sais, il fait un spectacle, mais il pourrait être dans son salon. Là, il regarde, là, il garde sur cette liste, il dit le nom de sa chanson, pendant qu'il a fait d'en face, il a lâche, là, il joue, après ça, on applaudit. Là, ça recommence. Il reprend sa feuille, il lit. Ouais, je pense que dans le fond, il n'y a pas de mémoire, mais je le comprends tout à fait. Je suis pareil. Mais ouais, c'était pratiquement comme, ouais, comme une tradition, tu sais, ça se perpétuait de chanson en chanson, la façon qu'il faisait. J'ai trouvé ça attachant. C'est surtout parce que c'était sincère. Il y avait rien de forcé dans sa façon d'être. Parce que, ouais, Max, je trouve que comme chanteur, il y avait quelque chose du charisme, de l'anticharisme. Il dégage rien de spécial, puis c'est ça qui le rend peut-être attachant. Il s'énerve, puis en même temps, il y en a d'autres qui seraient peut-être pas capables de donner ce genre de spectacle-là. Il y a déjà une présence scénique, mais ouais, une nonchalance qui déconcerte. Peut-être. Mais on a envie de continuer à le regarder sans se dire « Oh mon Dieu, quelle attraction! » Genre, il rayonne, je capote. Non, pas ce genre de charisme. Il y a quelque chose de poser, tranquille. Puis c'était le cas aussi dans la foule. Elle était distante, puis elle est restée. Pas par des intérêts, parce que c'est ça, les applaudissements, un punk qui tient sa bière. Hey, mon Dieu, il tenait sa bière, mais à l'horizontale, je me suis dit, ben, elle est vide, finalement, sa bière. Mais pourquoi t'as la tienne? Parce qu'il avait le pied un peu plus en avant. Il était prêt. Il était un peu à l'attaque. Il était en prévision des prochains shows. Mais non, il y avait de l'attention. Et même, comme preuve, il y avait un headbanger qui a, oui, bien mis son pied sur la scène. Quel coucou de tête. Merci, bonsoir. On repart ailleurs, reviens headbanger. Ouais, je comprends l'intérêt pour ce groupe. J'ai hâte de le voir une autre fois parce que paraît-il qu'au Centre Central, il a failli tout péter. Ça, c'est dangereux, hein, de chez un disquaire. Fait que, à suivre sur Max Power, mais très bonne découverte. Et étant donné que ça dure 20 secondes toutes ces tunes, ben c'est le fun, on va pouvoir l'écouter au complet au lieu de... Oui, je vous mets souvent des extraits, chers auditeurs, mais cette fois-ci, on va écouter au complet All the Drone. Oh, et on va continuer tout de suite en musique parce que je me gâte. Je passe des groupes que j'aime, je passe des bands qui ont le mot fuck. Fuck tout, pis fuck the facts sur les ondes de la marge. Yeah! d'entendre de fuck the facts, fuck tout, et un beau triplé Tribunal, groupe Grindcore que j'adore. Et vous avez entendu de ce groupe Nathalie sur leur album Opéra Rock, critique de crowd, toujours avec vous, pour une critique cette fois-ci de Set of War. Et comme j'ai dit, c'est un groupe de Sherbrooke. Ben oui, ils sont bien déplacés pour l'occasion. Groupe Black Trash Punk, Speed Metal. Un beau mélange, un peu bavard, les garçons. Je vous dirais que de façon générale, durant la soirée, les musiciens, à part Saccage, s'adressaient pas vraiment au public. Puis ça semblait pas manquant parce qu'il y avait pas trop de pause entre les chansons. Je trouve que ça créait une bonne fluidité. Ça, c'est bien quand t'es pas jasant. C'est le fun aussi de pas sentir le silence comme un malaise. Mais ouais, juste pour dire, parce que je parlais des présentations des chansons de Max Power, mais ouais, on sentait jamais qu'il y avait une réelle interaction. Fait que pour moi, c'est un peu comme une continuité, ça devenait quasiment la signature du spectacle, de la soirée même. Et bon, là, je parle pour faire du temps d'antenne, parce que Set of War, là... Mais il se passait rien! À cette plate! Non, j'ai déjà genre, c'était pas plate. Juste qu'il se passait rien dans la foule. On était plutôt statue de sel. Tu sais, ça remuait pas du tout. Même distance relativement avec la scène, la crowd, le groupe. Tu sais, ils sont tight, ça s'enchaîne, c'est bien. Et là, je me disais, voyons, c'est ça, il y a rien à dire. C'est correct. Passons vite à d'autres choses. Jusqu'à ce qu'une bande de punk arrive. Bon, ben, évidemment, avec la soirée, ça allait amener son lot de punk, mais cela était pas mal décourdi, amusant. Oh, je les ai bien aimés. Alors, des beaux cross-punk qui arrivent, qui viennent danser. Encore une fois, tu sais, le dos 90 degrés, là, qui danse vraiment la tête penchée, mais sans faire de collision. Fait que, oui, ça avait tendance d'être un trash, sans vraiment trasher. Ça leur était peut-être à la fin du set, puis déjà, ils sont arrivés à la moitié. Fait qu'on va être à la toute fin. Sinon, ben, J'ai déjà cher en disant qu'il n'y a pas tant de communication entre la crowd et les musiciens, parce que dans la foule, là, j'ai pas spoté c'était qui, mais il y en a un qui a gueulé. C'était un homme, il a crié, pardonnez-moi la grivoiserie, là, mais il a dit « Sauce-moi! » On a senti dans cette phrase la grivoiserie et la camaraderie. Je le mentionne parce que oui, avec sa cage, puis leur propos acerbes et quand même utilisent un certain niveau de langage, je trouvais que ça avait une suite logique, mais aussi oui l'importance du mot amitié camaraderie là, parce que ouais, c'est rare que tu vas nommer ce genre de choses, ce genre d'expression, si tu connais pas l'autre personne. Et en plus, à la fin du set, il y a eu featuring, il y en a un qui est venu chanter au micro, comme ça, un peu spontanément, on voyait que c'était un autre membre du groupe. Alors, ouais, une certaine complicité, soit entre les membres des autres groupes, qui se reflétaient aussi dans la crowd, ou juste du monde pas gêné, qui avait bien envie de s'amuser. Et c'est, oui, c'est vrai que ça donne le ton pour le restant de la soirée, mais pour moi, vraiment, les punks ont été, tu sais, un moment charnière dans la soirée. Ils ont changé l'atmosphère, parce que quand t'es nouveau dans la crowd, tu te le permets. Tu sais, si tout le monde était distant, puis que toi, t'es en avant, ah, t'as la fraîcheur pour t'avancer, puis être là, drette, debout. Hey, je vous le dis, j'étais vraiment heureuse de les voir aller, ces amis-là qui se poussaient, mais en même temps, c'est sûr que ça amène pas l'envie de faire un gros trash nécessairement. Tu le vois qu'il y a quelque chose de, encore une fois, amical entre eux. Mais c'était le sourire de la punk qui, elle avait les bras croisés, mais visiblement ravie, un énorme sourire dans son visage. C'est comme, on dirait, j'ai apprécié davantage le show, juste avoir quelqu'un d'encore plus satisfait que moi à assister au spectacle. Fait que oui, ça a comme donné un plus à ma soirée, parce que ouais. C'était pas la folie furieuse, mais on est bien parti. On est bien parti, les amis. Hey, on s'en va en écouter justement du Seat of War avec Napalm Night, c'est le titre aussi. Nightmare, c'est aussi le nom de leur album. Allons-y tout de suite. I love the smell of napalm in the morning. Smells like victory. Alors, on va continuer tout de suite en musique pour rendre à toi hommage, cher punk. Crabbe chante « La vie sauvage est une punk » et comme de fait, ça l'est. Maintenant, j'ai besoin de lunettes. Ça, là, que, oui, non, mais je peux bien écrisser en feu et m'acheter des actions. Les actions sur la terre sont baveuses. J'en ai rien à cirer. Mes yeux sont bien trop engagés et mes jambes meurent jusqu'au pied. toujours plus de crabes sur les ondes de la marge. Ah, pas leur plus récent album. Ah non, mais il est tout aussi excellent. Mort de fraîche date, La vie sauvage est une punk. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd sur les ondes de la marge. En ce pas spécial, parce qu'il y a bien du contenu. Mais je suis rendue à Deadbringer. Je vous en passe quand même, je vous l'ai dit, je vous passe quand même souvent. Et c'est un groupe Dead Black. Oui, ben, un bon mélange entre les deux. En spectacle, je trouve que c'est quand même plus fluide dans ce mélange. Et en attendant ce groupe, je vous avouerai que ça a été un entracte très social. Et même même avant la fin du spectacle, je trouve, OK, j'allais dire, les gens, ils jasaient beaucoup. Ou j'ai eu beaucoup de rencontres comme ça, qui adonnent un peu comme par hasard. Mais, tu sais, quand j'allais me critiquer de Crowd, souvent, je prends des notes avec mon téléphone parce que je suis technologique, mais aussi sur papier. Et c'est... Oh mon Dieu! Cette semaine, ça n'avait pas rapport. J'avais un énorme calepin parce que je me suis dit, et si soudainement j'avais envie de faire des dessins, comme si j'avais envie de faire comme oh je vais tirer le portrait de saccage, tu sais, c'est clair. Mais ouais, j'avais un énorme calepin, fait que c'était zéro subtil, zéro subtil. Et il y a même une fille, pouf, est apparue devant moi, et elle m'a dit pourquoi tu prends des notes. Et le palpage, j'ose, je réalise, elle vient de Québec, je réalise qu'il y a peut-être bien plus de monde de Québec que je l'aurais cru dans la crowd. C'est quand même à mentionner pour un groupe qui vient de Québec. Et sinon, oui, vraiment, le monde était sympathique. Je le mentionne parce que des fois, il peut y avoir des shows. Tu vois, le monde t'éteint leur bière, chacun dans leur coin, puis c'est un peu frette. Ah non, ça se passait pas de même. Et de l'amour, je trouve que c'est... bon, c'est pas le synonyme, tu te dis, avec le groupe Deadbringer. Mais, il y en a, oui. Ça commence avec une trame sonore pour Deadbringer. Oui, je trouve que ça fitait bien. Ils sont tous habillés en noir, mettent leur capuche. Ils ont deux guitaristes, pas de bassiste. Fait qu'un des deux, devine lequel, tire la langue comme le yaob. C'est théâtral, mais pas très accentué, étant donné qu'il est le seul du groupe à le faire. Le chanteur qui est pas mal à l'avant-scène. Présent, oui, pour le public, sans être très entertainer. Là, il est pas... Ah! Vos bras en l'air! Ah! Faites la vague. Non, mais là, j'ai déjà géré, là, mais il y avait le point en l'air. Et ça pourrait aussi amener les gens à donner le poing en l'air. Mais c'était présent dans la foule, puis je trouve pas que c'était comme une réponse à lui-même qui tenait le poing en l'air. Simplement que c'est la musique en soi qui amenait le mouvement. Ouais, ce sera mon analyse. Et sinon, oh mon Dieu, là c'était ma surprise. Et là c'est peut-être très très très personnel, mais l'autre guitariste, je suis restée bête. C'est parce que c'est le doorman. En tout cas, je sais plus s'il l'a encore, là, mais c'était le doorman des Catacombes. Puis là j'ai fait 1 plus 1 égale 2 parce que la pochette de leur plus récent album, L'Enfer c'est nous. Ah! C'est la grosse culture des Catacombes. Le monde est petit. Fait quoi, ouais, j'ai comme passé quand même le début de la soirée à me dire, coudonc, sa face me dit quoi? Oh, c'est le gardien des c'est le gardien des Catacombes. Des fois, ça prend pas grand-chose, hein, pour que la crowd n'ait plus mon attention avec des petits détails comme ça. Mais non, ne t'inquiète pas, je te regarde et tu es belle à voir, crowd. Un trash qui s'est bien élargi. Des gens qui, ouais, s'amusent. J'ai entendu des hurls d'énergie. Et sinon, quand je dis amour, c'est que j'avais vraiment ce sentiment-là tout le long du spectacle. Tu sais, il joue avec conviction, oui, avec cet esprit un peu, on se prend au sérieux, death metal, black metal, mais sans forcer d'aller chercher le public, comme s'il était déjà conquis, parce qu'il l'était aussi. Et je trouve ça beau, on n'était pas un immense crowd, et des fois, quand on parle d'un public conquis, ben j'ai en tête un Métropolis bondé, puis des gens qui sont comme, ils sont là, puis ils sont tout excité de voir ce groupe-là. Fait que je trouvais qu'il y avait une légèreté, puis c'est pas le bon mot, mais quand même, un amour léger, une réciprocité entre les deux. J'ai aimé ça. Et je trouve que oui, ça faisait que les choses se passaient fluidement, naturellement dans la crowd. Pas, tu sais, oui, un trash pour s'amuser, mais aussi parce que les gens, ils sont contents d'entendre les tunes. Puis c'est toujours agréable d'assister à un spectacle dans ces circonstances-là. Alors, Deadbringer! Hey, mon Dieu, cette tune-là, là, parce que je vous dis, je vous en ai passé souvent, mais souvent, je vous passe la même. Hey, boy! Fait que là, au nom de la variété, je vous passe Beau des Martyrs, parce que oui, ça se retrouve sur leur premier EP, From Silence for Was Born the Sounds of Dead, drette là, à Critique de Crowd. Deadbringer sur les ondes de la marge. Et oui, Critique de Crowd est encore là. Et avant, ça cache, quand je te dis que la crowd était vraiment sympathique, parle-parle genre avec la crowd. Oh mon Dieu! Je réalise que soit nous sommes toujours les mêmes à assister au spectacle, quel que soit le groupe. Vous me direz, pas tort, Jolene, pas tort, les mélomanes sont souvent les mêmes. Ou tout simplement les hasards qui font que la vie est la vie. Écoute, j'ose avec quelqu'un, puis on parle de spectacles marquants qu'on a eu, puis je sais pas comment c'est venu dans la discussion, mais on a parlé de Dillinger Escape Plan. Là, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est un des moments les plus marquants de ma vie parce que j'ai stage divé avec le chanteur sur le dos, mais plutôt moi sur son dos et non l'inverse, là, ce serait lourd. Et le gars, il reste bête en me disant, mais c'est moi, t'es atterri sur moi. Fait que j'ai écrasé la tête de quelqu'un pour vivre le plus beau moment de ma vie. Je me suis excusée à cette personne dans la crowd, mais je trouvais que le monde était petit. Et sur ce, ben oui, c'était ça, cage. Début du spectacle où les gens les attendaient trop rangés, bien serré en avant. Le headbang va être à l'honneur. S'il était, tu sais, relativement les mêmes gens qui headbangent parce que, bah, chacun a leur habitude de crowd, mais cette fois-ci plus nombreux, peut-être plus longtemps, mais tout aussi chevelu. Oh, le chevelon se fait aller pas à peu près. Début du spectacle aussi, je trouve ça très cute. Il y a eu un cheers d'un des musiciens à la crowd. Je trouve ça rassembleur, c'était sympathique. Ça s'est pas reproduit. Vraiment, c'était un mouvement comme ça, spontané et bien beau de voir comme ça. Et sinon, ben oui, le trash va être aussi présent. Je sais pas s'il était aussi large, mais au fur et à mesure de la soirée, la foule s'étiole. Ben oui, je sais pas. Le chanteur va le faire remarquer. Hey, prenez pas le métro, faut faire le party après le show. Je sais pas si le métro t'a vraiment arrêté, parce que je vous le rappelle, hein, à Montréal, le samedi, il finit à 1h30. C'est sûr, ça dépend où c'est que t'habites, je sais. Mais là, ce qui était de bonheur, ils ont fini vers 00h30 à peu près, même si des fois je me dis, voyons, le show, il finit dessus. Comme on dirait tout le temps que c'était la dernière tourne, puis ça l'était jamais. Je m'en souviens que la foule, oui, peut-être, commençait à s'absenter, puis ça changeait rien à la ferveur de tous ceux qui restaient présents. Ah ouais, peut-être même qu'il y en a que ça a dû les énerver encore plus. Pas énervé comme « mais énervé comme « yeah », sans avoir l'air d'un enthousiasme, là, mais ouais, ça trashait, là, quand même, du début à la fin. Il y a toujours une présence de pit, les gens aussi proches, aussi présents. Des fois, c'est fou, hein? Plus t'as d'espace, plus on dirait que tu te sens comme, je sais pas, un moment spécial avec le groupe. Oui, oui, peut-être. Ou peut-être qu'il y avait pas juste des gens de Montréal, parce que voyez-vous, en jasant avec la crowd puis en sachant qu'il y avait du monde de Québec, le groupe, ils nous ont avoué que ça faisait 2-3 fois qu'ils venaient à Montréal, puis ils trouvaient que ça brassait, contrairement à avant. Mais peut-être que c'est tout simplement leurs fans aussi qui sont devenus encore plus férus d'eux et qui se déplacent pour les spectacles. Peut-être, mais peut-être pas aussi nombreux quand même. Il y avait des gens de Montréal. Je trouve qu'encore une fois, les punks étaient à l'honneur. La fille, tu sais, la punk que je vous parlais tantôt, elle gambadait. Elle faisait des circle pits tout seul en gambada. Mais en gambada comme une punk. Fait que ça avait de la rage, ça avait une solidité, là. C'était pas, je gambade dans les fleurs. Non, c'était punk. J'adorais ça. Elle était tellement belle à voir parmi ses amis qui trash. Encore une fois, vraiment 90 degrés. Il y en avait un, il était un peu plus hardcore, et comme des filles, ils portaient une camisole de Antilla, là, fait que ça fitait. Fait que non, l'énergie restait présente, puis je trouve vraiment que le fait que peut-être que quelques personnes sont parties donnait encore un sentiment que c'est encore plus gros, plus fort. À la toute fin du spectacle, et là, comme je vous dis, la fin, c'était jamais clair, on disait que ça finissait jamais de finir. Le groupe a invité la crowd à chanter une de leurs chansons les plus connues, quoique plusieurs étaient aussi rechantées par la crowd. Et ouais, juste une fille va tout le temps rester sur scène, sinon quelque chose d'un peu hardcore, encore une fois, là, sans que le monde se pitche un par-dessus l'autre pour être sur le micro. C'était très rassemblé, très regroupé, pouvoir chanter tout ensemble. Et dans tout ça, je retiens surtout que c'était une crowd dans un... Ouais, ce qu'on pourrait considérer quelque chose de chaotique, mais un chaos très convenu, parce qu'il y en a un, il a pris le micro très poliment, il a chanté, il l'a partagé à ses amis, il l'a reposé très doucement, ben oui, sur le pied de micro, comme ça, gentiment, il l'a replacé. Ah, pas des pêches, puis la bière qui s'échappe, puis... Non, c'était propre, c'était clean, c'était cute. Fait que oui, les gens ont pu bien gueuler avec leur groupe préféré, j'ai bien apprécié. Alors sur ça, on va aller en écouter, et je vous dis surtout à la semaine prochaine, parce que c'est Critique de Crowd, je m'appelle Jolene Ruet, et c'est toujours un plaisir d'animer sur les ondes de la marge. Si comme Christian, tu me vois dans la crowd, mais tu me vois pas, sache-le, j'ai les cheveux verts puis violets, fait que je suis facile à spotter, et je vous dis vraiment à la semaine prochaine. Bye bye. quand on prend une bière à Leto Brasserie, il y a toujours de la bonne musique. Mais jamais trop forte! Leto offre plusieurs bières brassées sur place ainsi qu'une sélection des meilleures bières et spiritueux du Québec. En plus, la pinte de bière maison est toujours à prix réduit avant 19h. On y mange très bien pour un prix vraiment abordable, que ce soit pour souper ou pour le petit snack de fin de soirée, sans compter que le service y est toujours courtois et attentionné. Salut, t'as-tu le temps de regarder le menu un petit peu? Ouais, ben je vais savoir en fait. C'est vraiment la place pour sortir en gang et avoir du fun. Leto Brasserie, la brasserie artisanale de Villeray. Métro Jarry, ETOHbrasserie.com. Diplômé. Vos études sont peut-être finies, mais pas votre progrès. Les diplômés du campus de l'Université de Montréal obtiennent 20% de réduction sur l'abonnement au CEPSUM. Visitez cepsum.umontréal.ca pour tous les détails et inscrivez-vous dès maintenant. Scène 14-25, agité par commotion, agitateur de culture présente Dead Obese. Dans l'ambiance survoltée de l'annexe 3, viens bouncer avec tes homies au spectacle de Dead Obese. Dernière chance de les voir sur scène avant la sortie du prochain album. Dead Obese, le 14 octobre en spectacle à l'annexe 3, situé à deux pas du métro Montmorency. Réserve tes billets via coupe-motion.ca dès maintenant. Hey, this is Chris from Metz, and you listen to CISM. Danny Placard est de retour avec Full Face. Placard comme vous ne l'avez jamais entendu. Face, disponible partout dès maintenant. BNB présente Flavor Namabia et son orchestre live en concert le 6 octobre 2017 au Théâtre Berry, 1280 rue Saint-Denis avec les DJ Khalid, Motorius et Trick Trick. Les billets sont $50 réguliers et $70 VIP, plus à la porte. Vous pouvez acheter les billets sur théâtreberry.com. Les portes ouvrent à 19h. Suivre BB Entertain sur Instagram et Facebook pour plus d'infos. Les délicates buvettes, les délicates buvettes. Diantre, le moment n'est point choisi pour être assoupi. Nous honorons les établissements de plaisance de notre délectable présence. Rare celui qui vaincra nos connaissances brassicoles extra. Qu'est-ce que vous faites? Toi, qu'est-ce que tu fais? Les bartendes, les bartendes. Non, c'est pas tout le temps d'aller t'étendre. Nous autres, on sort dans les plus nice bars. On parle de bière comme personne d'autre peut le faire. Servoise de qualité. Pina. Clavecin. Petit soulier pointu. Cocktail de réjouissance. Bâti folage. Incommensurable. Nouvelle fausse vitalité des ténèbres. Les bartendes, le vendredi à 14h30 à CISM. Hey, t'as-tu l'application mobile de CISM, toi? Non, j'écoute pas la radio. D'autres, justement, là, avec l'application mobile de CISM, là, t'es plus limité à l'écoute en direct, là, tu peux écouter 80 émissions quand tu veux, man. Wow, 80 émissions, alors je vais me perdre, hein? Mais non, parce que l'application mobile, là, ça simplifie la vie, là. Tente le genre de musique que t'as envie d'écouter, rock, hip-hop, électro, Silver Lion, Tiger Rock, l'application va te recommander des émissions, man. Nice! Tu peux même voir la liste des chansons qu'il a joué à chaque émission. Capoté! Tu peux télécharger l'application mobile.